بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc mes frères bien-aimés, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la meilleure des récompenses et vous élève en degré. De par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons les cours de cet après-midi qui sont des cours de tawhid, à travers lesquels nous sommes actuellement en train de citer les noms merveilleux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes, donc on cite les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'une partie de ce qui les concerne. Et actuellement, nous sommes en train de traiter les noms d'Allah Azza wa Jal, le très pardonneur, le grand pardonneur, ainsi que l'absoluteur. Et nous avons cité ce que notre Seigneur nous a permis de citer. Et le dernier point essentiel que nous avons cité, c'est comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ses noms. Nous avons cité jusqu'à présent 8 éléments. Et dans le dernier élément que nous avons vu, c'est le fait d'éprouver la crainte, le regret et le blâme de l'esprit, bien le blâme de l'âme, après avoir commis des désobéissances et des péchés. Il ne convient donc pas que la personne tombe dans la désobéissance, puis que cela ne produise en elle le moindre effet, tout en ayant la ferme résolution de se repentir, de demander le pardon et de ne pas y retourner. Donc ça, c'était le huitième élément parmi les éléments qui nous permet de savoir comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ses nobles noms et majestueux. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, nous poursuivons. Il nous reste les tout derniers éléments et j'implore Allah Azza wa Jal de nous faciliter à les citer de manière correcte et convenable et qui nous permettent de clôturer le sujet aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc, le huitième élément par lequel il se peut que le croyant adore Allah Azza wa Jal à travers ses nobles noms, le très pardonneur, le grand pardonneur et l'absoluteur. Le neuvième point, c'est de veiller à invoquer Allah afin qu'il t'éloigne de la désobéissance ou afin qu'elle ne devienne pas insignifiante dans ton cœur. En effet, car l'être humain, le musulman, ne sait pas quels seront les mauvais fruits de ses péchés. Et il ne sait pas que fera Allah Azza wa Jal de lui suite à ses péchés. En plus, le serviteur, le croyant, a peur que sa fin dans ce bas monde sera sur une mauvaise action. En effet, Allah Azza wa Jal est pardonneur, et grand pardonneur, très pardonneur. Sauf qu'il pardonne à qui il veut. Et il faut que le serviteur puisse espérer mériter la grâce d'Allah Azza wa Jal et avoir le pardon d'Allah. Mais il n'est pas dit qu'Allah Azza wa Jal pardonne à toute personne. Au contraire, il est dit qu'Allah Azza wa Jal pardonne à qui il veut. Et c'est lui qui choisit, selon sa science, selon sa sagesse et sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Donc de ce fait, il se peut qu'une personne fasse un péché et que ce péché ne soit pas forcément pardonné, absous par Allah. Donc, avant de faire le péché, le musulman doit se préserver des péchés. Il doit d'abord faire les efforts, lui, pour éviter les péchés. Et le plus important des efforts et la meilleure des causes pour éviter les péchés, c'est invoquer Allah. et lui demander de t'éviter les péchés. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne fait un péché, petit ou grand, apparent ou inapparent, personnel ou dont les effets peuvent toucher d'autres personnes, il ne sait jamais quel sera le fruit exact de ce péché. Il ne sait jamais quel sera le résultat, quelles seront les retombées de son péché. Et de ce fait, ces retombées peuvent être grandes et graves. Et nous avons vu ça précédemment. Ça peut toucher sa religion, ça peut toucher sa propre personne, ça peut toucher ce qui le concerne de la vie mondaine, sa femme, ses enfants, ses parents, son travail, sa richesse, sa santé. Et en plus, Yawm al-Qiyama, il ne sait pas comment viendra ses péchés et comment ils seront, comment Allah Azza wa Jal fera que ses péchés se manifestent. Est-ce que ça sera une seule chose ou est-ce que ça sera une montagne de péchés? Et il ne sait pas aussi, parce que les péchés, vous savez qu'ils peuvent s'accumuler, ils peuvent se multiplier par certaines choses. Il se peut qu'une personne vole 10 euros d'une personne. Voler 10 euros, c'est haram, c'est un grand péché. Sauf que voler 10 euros avec des circonstances aggravantes, ça a plus d'effets. Si tu voles une personne qui est faible, une personne qui est faible d'esprit, une personne qui est âgée, une personne qui est malade, tu voles une personne qui t'accorde sa confiance et qui met entre tes mains un dépôt. Tiens, voilà mon argent, garde-le chez toi, j'ai confiance en toi, toi tu crains Allah, toi tu es sérieux, toi tu es mon ami, toi tu es mon frère, toi tu es... Et après la personne use de cette confiance, de cette simplicité de la personne, de cette bonne nature de cette personne, et il le vole. Il le vole derrière son dos, il le vole en cachette, il le vole en le trompant. Surtout si cette personne est dans un besoin extrême. Alors forcément, les deux vols n'ont pas le même degré. Voler un milliardaire 10 euros, c'est un grand péché. C'est une chose qui est redoutable. Mais voler une vieille personne qui n'a que ça pour se nourrir pour un jour ou pour une semaine, et que tu connais sa situation et que tu le fais quand même, il est à craindre que le péché soit aggravé. Donc voilà pourquoi la personne ne sait pas quels seront les fruits, les mauvais fruits de ses péchés. Que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà, et dans sa religion. Il est à craindre que le péché ternit ou éteint la lumière du cœur. Il se peut que ce péché te pousse vers d'autres péchés, et que tu t'enfonces encore et encore et encore. Donc voilà pourquoi, et aussi tu ne sais pas ce que va faire Allah de toi. Tu ne sais pas ce que Allah va faire de toi. Vous voyez, nous avons vu un certain nombre de récits, notamment celui qui a juré qu'Allah Azza wa Jal ne pardonnera pas à un tel. On aurait pu dire, nous, personnes simples et modestes, que ce n'est pas le plus grave des péchés. Mais Allah Azza wa Jal a jugé la chose de manière différente. Et c'est Allah qui juge. Et c'est le meilleur des juges, le plus juste. Il fait ce qu'il veut. De même, la personne qui a attaché un chat et qui ne l'a ni nourri ni abreuvé jusqu'à la mort, ce n'est pas le plus extrême des péchés. Mais Allah Azza wa Jal l'a jugé, a décidé et a décrété que cette personne sera châtiée au jour du jugement. Donc, le péché que tu fais toi, tu ne sais pas quel sera, comment Allah Azza wa Jal te récompensera de cela. Qu'est-ce qu'il te fera à travers cela? Et Allah Azza wa Jal a dit « وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ » Et Allah vous met en garde contre sa personne. Il faut le craindre. Donc, ainsi, le croyant doit invoquer Allah Azza wa Jal pour que Allah Azza wa Jal l'épargne et lui évite de faire les péchés. Pour éviter tous les tracas, tous les soucis, tous les craintes, toutes les peurs qui peuvent résulter des péchés. Et si après il fait le péché, là vient l'autre étape qui est le fait de se repentir, revenir, repentant vers Allah et demander le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui sait est-ce que tu vas pouvoir te repentir? Qui sait est-ce que tu auras cette sincérité? Qui sait est-ce que tu ressentiras la gravité de ton péché? Donc tu vas te repentir comme il se doit en bonne et due forme. Combien y a-t-il de personnes, comme je vous ai dit, ils ne veulent pas se repentir de certains de leurs péchés. Ils ont fait une chose, ils disent, je l'ai fait et j'assume. Il y a des gens qui disent ça. Je l'ai fait, j'assume, il n'y a pas de souci. Qu'il advienne ce qu'il advienne. Et bien sûr, ça, c'est un égarement qu'il y a dans les cœurs de ces personnes. Donc voilà pourquoi, avant de tomber dans les péchés, il faut demander à Allah Azzawajal de nous préserver des péchés, de nous éviter des péchés, et invoquer intensément, répétitivement, et avec assurance, et avec insistance. La preuve étant que notre prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même invoquait Allah Azzawajal. Et lui, vous savez, qui était-il, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, il invoquait souvent qu'Allah Azzawajal l'épargne de tomber des péchés. Et bien sûr, à travers cela, il y a un enseignement pour sa communauté. Il invoquait cela de manière, avec des formulations différentes, mais toutes renvoyées vers le même sens. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les mauvaises mœurs, les mauvaises actions, les passions déviantes et les maladies. Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi des mauvaises actions ou bien des mauvaises mœurs. Non, des mauvaises mœurs, ça veut dire les mauvais comportements, les mauvais attributs que tu peux avoir, comme l'avarice, l'envie, le fait de détester des personnes sans raison valable, et ainsi de suite. Tous ces mauvais ressentis que tu as en toi, le prophète Al-Sassam a invoqué Allah pour qu'il le préserve de cela. Ainsi que les mauvaises actions, les péchés, quels qu'ils soient, à tous les niveaux qu'ils puissent être possibles et imaginables. Et les passions déviantes, toute passion qui te dévie, qui peut être la source et la cause de ta déviance et de l'accomplissement de mauvais actes. Et également des maladies, car le prophète Al-Sattam implorait Allah de l'épargner des maladies. Dans une autre doua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Et protège-moi contre les mauvaises actions et les mauvaises mœurs. Nul ne protège contre le mal si ce n'est toi. » Ça va dans le même sens que l'invocation précédente. Donc, il demandait à Allah azzawajal de le protéger contre les mauvais mœurs, les mauvais attributs et aussi les mauvaises actions. Après, il a dit, car nul ne préserve de cela autre que toi. En effet, nous avons vu précédemment, et vous connaissez parfaitement, que personne ne peut rien faire si ce n'est par l'aide d'Allah azzawajal. Personne ne peut faire une bonne action si ce n'est Allah qui l'aide à faire cette bonne action. Et personne ne peut éviter une mauvaise action sans qu'Allah Azzawajal ne lui permette d'éviter cette mauvaise action. Voilà pourquoi on demande à Allah Azzawajal de nous préserver de ces mauvaises choses, car rien ni personne autre que lui ne peut nous préserver de cela. Dans une autre invocation, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi contre la paresse, la décrépitude, le péché et l'endettement. » Donc là, ce qui nous intéresse dans cette invocation, c'est le péché. Il demande à Allah Azzawajal de le préserver et se réfugier auprès de lui contre les péchés. Dans une autre invocation, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, je recherche refuge auprès de toi contre le feu et contre ce qui y rapproche comme parole et comme acte. Qu'est-ce qui rapproche de l'enfer? C'est les péchés. Quel que soit leur type, leur gravité et leur degré. Mais c'est les péchés qui mènent vers le feu et vers l'enfer. Alors il se protégeait et de l'enfer et de ce qui mène à l'enfer. Donc les péchés. Dans un autre doua, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, et accorde-nous de ta crainte ce qui s'interposera entre nous et tes désobéissances. Donc là, dans ce doua, il implorait Allah Azzawajal de lui donner la cause de par laquelle Allah le préservera des péchés, de la désobéissance. C'est quoi cette cause? C'est la crainte d'Allah. Oh Allah, fais naître dans mon cœur, nourris dans mon cœur, fais apparaître dans mon cœur ta crainte. Pourquoi? Afin que je te craigne et j'évite de commettre ce qui te déplaît et ce qui te courrouce, subhanahu wa ta'ala. Donc, toutes ces invocations prophétiques, même si leur formulation est différente, mais leur but et leur finalité est la même, demander à Allah Azzawajal de préserver le serviteur de tomber dans les péchés. Qu'Allah Azzawajal nous préserve de tomber dans les péchés, petits, grands, apparents et inapparents. Amen. Le huitième élément de par lequel le serviteur peut adorer Allah Azzawajal à travers ses noms, c'est le fait de se hâter à se repentir, à demander le pardon et à invoquer Allah Azzawajal avec insistance, en quête du pardon et de l'effacement des péchés. Pour les péchés que l'on connaît en particulier, ou bien de manière générale, ainsi que pour les péchés qu'on ne connaît pas. En effet, Allah Azzawajal s'est fait connaître à ses serviteurs. Et il s'est décrit à ses serviteurs comme étant le grand pardonneur, le très pardonneur, l'absoluteur. Cette information a un certain nombre de portées. Parmi ceux-là, je pardonne, alors demandez-moi le pardon. J'absous, demandez mon absolution. Et faites-le, faites ce qu'il faut pour que vous ayez cela. Et Allah Azza wa Jal aime qu'on l'invoque. Allah Azza wa Jal aime qu'on revient vers lui. Alors là, pour adorer Allah Azza wa Jal à travers ses noms, il faut revenir repentant vers Allah. Il faut demander le pardon, demander l'absolution, demander l'effacement des péchés et utiliser ces nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on demande le pardon d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on se repent de péché, il faut savoir qu'on doit se repentir, on doit demander le pardon du péché qu'on a fait. Aujourd'hui, tu as menti, tu demandes le pardon d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ce mensonge. Aujourd'hui, tu as fait riba, la médisance. Aujourd'hui, tu as fait la médisance, tu as médit sur une personne. Après, tu te reprends, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner le fait d'avoir fait la médisance contre un tel ou une telle. Il faut que tu te repentes des péchés spécifiques. Mais aussi, il se peut que tu t'es repenti, tu as demandé le pardon sur ces péchés, mais on fait tellement de péchés dans la journée, on fait tellement de péchés dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans la vie. Alors, on ne peut pas à chaque fois citer chacun parmi nos péchés. Ce jour, j'ai fait ceci, ce jour, j'ai fait cela. Alors, on demande pardon sur les péchés spécifiquement, précisément, et on demande à Allah Azza wa Jal le pardon des péchés de manière globale et générale. Oh Allah, pardonne-moi tous les péchés que j'ai fait aujourd'hui. Oh Allah, pardonne-moi tous les péchés que j'ai fait dans ce pays. Oh Allah, pardonne tous les péchés que j'ai fait avant ce jour. Oh Allah, pardonne tous les péchés que j'ai fait dans ma vie. Et toi, tu peux penser à certains de tes péchés que tu as fait. Mais aussi, il faut savoir qu'il se peut que la personne ait commis des péchés sans qu'elle sache. C'est possible. C'est possible, surtout si l'un des plus grands exemples, c'est de parler de la religion sans science. Et combien cela est une porte de mal dans laquelle combien parmi nous rentrent grandement dans cela. Des fois, des gens se permettent de faire l'explication d'un verset ou d'un hadith, mais de leur raisonnement personnel. Des fois, les gens viennent interférer dans des jugements religieux. Oui, ça c'est Yajouz, non ça c'est la Yajouz. Non, moi je ne pense pas que c'est Yajouz ça. Non, je ne pense pas que c'est une bid'a ça. Comment ça tu penses ou tu ne penses pas? Donc, il se peut qu'une personne fasse une telle erreur. Même des fois, juste le regard. Dénigrer une personne par le regard. Dénigrer une personne par le salam. Salut, salut mon frère, salut mon frère, salut mon frère. Allez, salut toi. Tu lui serres la main, mais avec le bout des doigts. Tu le négliges, tu le rabaisses. Pourquoi? Parce que c'est un pauvre, parce que c'est un petit, parce que c'est... Donc, cela, tu peux le faire, mais sans ressentir que tu as fait une mauvaise chose. Mais tu peux briser le cœur de la personne. Tu peux l'attrister. Tu peux lui faire du mal. Et ça peut être dû à un racisme, quel qu'il soit. Ah oui, moi je suis algérien, l'autre c'est marocain, il c'est un marocain, voilà. L'autre c'est un marocain, l'autre c'est un tunisien, alors le tunisien. L'autre c'est un blanc, l'autre c'est un noir. Lorsque c'est un riche, lorsque c'est un pauvre, regarde comment il est habillé. Le chir, un tel lui-même, je vais lui faire l'accolade et sourire jusqu'aux oreilles. Mais l'autre, je le néglige. Donc, il se peut que des personnes fassent des péchés sans s'en apercevoir. Et de ce fait, il ne faut pas laisser ces péchés dans ton registre. Mais comment faire pour se repentir et demander le pardon si tu ne sais pas que tu as fait les péchés? Là vient l'enseignement prophétique, qu'on doit demander à Allah Azzawajal de nous pardonner les péchés qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi le prophète a enseigné à Abu Bakr Sadiq d'invoquer contre le shirk. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam. Oh Allah, je demande la protection auprès de toi que je commette du shirk alors que je le sais. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Et je te demande le pardon de ce que je ne sais pas. Il se peut qu'une personne fasse du shirk sans savoir. Alors là, il demande pardon auprès d'Allah. De même pour les péchés. Donc il faut demander le pardon sur les péchés spécifiques, sur la globalité de tes péchés et aussi sur les péchés dont tu ne savais pas, tu n'avais pas connaissance que tu avais fait. Et Allah Azza wa Jalla est plus sage et plus savant. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde son pardon et sa miséricorde. Le 11e élément de par comment peut-on adorer Allah Azza wa Jalla à travers ses nobles noms, c'est le fait de s'efforcer à réaliser des causes du pardon et de l'effacement, d'en multiplier les formes et de les diversifier. En effet, Allah Azza wa Jal s'est décrit comme étant le grand pardonneur, le très pardonneur, l'absoluteur, celui qui efface les péchés et celui qui les couvre. Allah Azza wa Jal les pardonne, peut les pardonner sans rien, de par sa volonté, subhanahu wa Jal. Mais Allah, le Seigneur des mondes, le Juste suprême, celui qui décrète ce qu'il veut, il a établi dans ce bas monde des choses, des actes de par lesquels des actes qu'il a établis comme des causes de par lesquelles il pardonne les péchés. Alors, il convient aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal d'utiliser ces causes et de les faire du mieux qu'il peut avec l'espoir qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne. Allah t'offre ses offrandes. Vous voyez combien de fois nous avons cité des choses que nous pouvons faire tous les jours. Donc si toi, en plus de les faire tous les jours, c'est Allah a lié cela, ces actes, au pardon des péchés, comme les cinq prières, comme le jeûne du mois du Ramadan, comme le Jumu'ah et d'autres choses. Allah a lié ces bonnes actions au pardon des péchés. Donc tu fais ta prière de Dhuhr, ça va être une cause par laquelle Allah va te pardonner. Tu fais la prière de Asr, alors ça va être la cause par laquelle Allah Azza wa Jalla va te pardonner. Et ainsi de suite. Donc, c'est des dons d'Allah, c'est des grâces, c'est des facilités. C'est des aspects de sa miséricorde et de son pardon. Il te multiplie les façons de te pardonner. Alors, si tu refuses de faire des choses, si tu t'enorgueillis, si tu t'abstiens, si tu flémardises au point de ne pas bouger le petit doigt, avec quoi veux-tu que Allah te pardonne? Allah a dit, repentez-vous vers moi, repentez-vous, je vous pardonnerai. Et toi, tu ne te repens pas. Comment tu veux qu'il te pardonne? Invoquez mon pardon, je vous pardonnerai. Tu ne demandes pas le pardon auprès d'Allah. Comment veux-tu qu'il te pardonne? Faites ceci, je vous pardonnerai. Tu ne fais pas cela. Comment tu veux qu'il te pardonne? Donc, parmi les aspects de l'adoration d'Allah, à travers ses noms, c'est de faire ce que lui a établi pour te pardonner tes péchés, pour les couvrir et pour les absoudre. Tu fais ce que tu peux. Un exemple, Allah Azza wa Jalla a établi que les ablutions sont une cause par laquelle il pardonne les péchés. Alors tu vas faire tes ablutions pour ta prière, pour te purifier, pour pouvoir faire ta prière, et tu dois avoir présent dans ton esprit l'espoir et l'attente qu'Allah Azza wa Jalla te pardonne tes péchés. Tu as frappé une personne injustement, tu as frappé une personne dont tu n'as pas le droit de frapper ou d'une manière illicite. Quand tu vas faire le wudu, oh Allah, avec cette main, j'ai fait ce péché. Oh Allah, j'espère qu'Allah Azza wa Jalla me pardonnera. Parce que le prophète a dit, lorsqu'une personne lave ses membres du wudu, ses péchés tomberont avec la dernière goutte qui s'écoulera de ce membre. Quand tu vas rincer ta bouche et ton nez, tu vas avoir présent dans ton esprit que tu as fredonné une chanson, tu as menti, tu as fait la médisance. Donc de ce fait, tu as fait des péchés avec ta bouche. En faisant le wudu, tu espères. Oh Allah, je fais ce wudu. J'espère à travers cela que tu me réalises ce que notre prophète alayhi salam nous a promis. Qu'en faisant le wudu, les péchés qu'on a fait avec la bouche partiront avec la dernière goutte qui tombe. Et ainsi de suite, pour le visage. Tu laves ton visage et les péchés que tu as pu faire avec ton visage, tu espères qu'ils partent, qu'ils tombent avec la dernière goutte. Que ce soit les yeux, avec les péchés que tu as faits avec les yeux, ou bien le visage, les joues, ou les lèvres, les baisers qui sont haram, les bisous qui sont haram. Tu as pu faire des choses. Alors quand tu fais le wudu, tu espères qu'avec cela, Allah te pardonne tes péchés que tu as pu faire avec le visage. De même que les oreilles, de même que les pieds qui t'ont emmené vers des lieux haram. Donc, il convient aux musulmans de faire les causes qu'Allah Azzawajal a établies pour le pardon des péchés et essayer d'avoir présent dans son esprit ce bienfait d'Allah. Donc tu fais et tu espères ce qu'Allah t'a promis à travers cela. Et Allah Azzawajal est plus sage et plus savant. Donc le deuxième point parmi de comment adorer Allah Azzawajal à travers ses noms, c'est le fait d'avoir présent dans l'esprit la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa perfection, sa beauté, et de l'aimer, de l'honorer et de le remercier pour tous ses bienfaits. En effet, c'est à eux seuls ces majestueux noms d'Allah Azzawajal, le très pardonneur, le grand pardonneur et l'absoluteur. Quand on voit leur sens, leur portée, ce qui en découle, leurs fruits, on voit la perfection de notre Seigneur, on voit sa beauté, on voit la perfection de ses attributs. Regarde, Allah, il pardonne tous les péchés, les petits, les grands, les connus, les inconnus, les apparents, les inapparents, ce que la personne fait entre elle et elle-même et ce qu'elle fait avec les autres personnes. Allah pardonne les grands péchés, les énormes péchés, même le shirk, même la mécréance, même l'apostasie. Allah pardonne même les péchés qui se font de manière répétitive et répétitive et répétitive. Alors que, à notre échelle, nous, êtres humains, vous savez tous que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. On se le dit soi-même. Il y a des choses que moi, je ne pardonne pas. Il y a des choses que tu dis, une personne vient te demander pardon, tu dis non, tu as fait l'impardonnable. Ne viens pas me demander pardon parce que je n'ai pas envie de te pardonner. Je ne veux pas. Et des fois, la personne insiste et elle est refusée. Des fois, il y a même des personnes avec des larmes. Ils se repentent, ils demandent pardon. « Allah, j'ai fait ça, j'ai pas fait exprès. Non, tu m'as fait trop de mal. Tu as sali mon honneur, tu m'as dévoilé devant les gens, tu m'as trahi, je t'ai fait confiance. Donc, je veux pas te pardonner. Et ne cherche pas, jamais je te pardonnerai. » Ça, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça, il est limité. Allah Azza wa Jal est bien au-dessus de cela. Allah Azza wa Jal est majestueux. Il pardonne à qui lui veut pardonner, selon sa science et sa sagesse et sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Il peut pardonner à des personnes qui ont fait des choses abominables. Mais s'il veut, si lui décide et veut, selon ce qu'il veut, leur pardonner, il leur pardonne. Voilà pourquoi, et cela fait naître l'espoir dans le cœur des gens, et que, quel que soit ce que tu as fait, tu peux revenir vers Allah, et il peut t'accepter. C'est lui qui décidera, c'est lui qui décrétera et jugera, mais tu as un grand espoir. Également, parmi la perfection de ces noms, c'est que Allah Azzawajal pardonne à qui lui juge et décrète de pardonner. Il ne pardonne pas à tout le monde. Une personne qui dit juste avec la langue « Oh Allah, pardonne-moi de ce péché », mais son cœur n'est pas présent. Sa volonté n'est pas ferme. Juste, ouais, il faut le dire, il l'a dit, salam. Ou bien l'imam, dans le tarawih, il fait du'a al-qunut, ou dans le jumu'ah, il fait un du'a, il dit, oh Allah, pardonne-nous, il dit amin. Mais en fait, il n'est pas sincère, il n'est pas véridique, il n'est pas ferme, oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Il a dit juste comme ça pour le dire. Une telle personne mérite le pardon d'Allah, Azza wa Jal. Également, si on prend l'exemple, encore une fois, de l'être humain, que l'être humain pardonne à tout le monde, à toute personne, sans aucune condition, est-ce vu comme une qualité? Certes non. Si tu pardonnes à toute personne, sans aucune restriction, tu ne seras pas loué par les gens, tu n'auras pas les éloges. On ne dira pas, ah oui, une personne, tu vois, il a un cœur très large, très ouvert. Non. Exemple. Une personne frappe ta mère sans aucune raison. Sans aucune raison. Il vient, voilà. Il frappe ta mère. Et toi, tu viens, ah non, t'inquiète pas, je te pardonne. Moi, j'ai le cœur large, je te pardonne, c'est rien. Que va dire ta mère? Que va dire ton père? Et j'ai laissé mon fils, il était présent. Et il a vu qu'une personne frappe sa mère, après il dit non, je te pardonne. Il ne défend même pas sa mère, il ne la préserve pas. C'est normal. Donc, le fait de pardonner sans aucune restriction, sans aucune condition, sans aucun... c'est pas louable. Et Allah Azza wa Jalla est parfait dans ses attributs. Il pardonne énormément. Il pardonne abondamment. Sous condition. Les conditions que lui établit. De croire. Il l'amène taaba wa taaba wa amana wa amila salihan. Excepté ceux qui se repentent et croient et accomplissent les bonnes œuvres. Celui qui revient repentant vers Allah, celui qui demande le pardon d'Allah sincèrement et véridiquement. Allah Azza wa Jalla pardonne à ces personnes et pardonne à d'autres. Mais il ne pardonne pas à tout le monde. Et ça, c'est un attribut de perfection. Ça, c'est un attribut de perfection qu'Allah Azza wa Jalla a. Donc vous voyez, juste au fait de voir ces attributs-là, ces noms et attributs-là, le très pardonneur, le grand pardonneur, l'absoluteur, on voit la perfection d'Allah Azza wa Jalla. Il pardonne énormément, mais il ne pardonne pas sans restriction. Ça fait de lui, ça relève et ça démontre sa grandeur, sa puissance, sa suprématie, et sa royauté. Donc, juste ces noms, on voit la perfection d'Allah Azza wa Jalla. Ça fait naître en nous l'espoir. Ça fait naître en nous l'amour. Tu aimes Allah Azza wa Jalla parce qu'il te pardonne. Il t'a pardonné, il va te pardonner, il a pardonné à tes parents, etc. Donc tu as de l'amour envers lui et tu es reconnaissant envers lui. Comment tu as fait des péchés? Il t'a dit ne fais pas et tu l'as fait. Alors que lui, c'est le Seigneur des mondes. C'est lui qui t'a créé, c'est lui le juste suprême, c'est lui le triomphant, c'est lui le plus fort. C'est lui qui peut faire tout ce qu'il veut. C'est lui qui te donne la moindre des choses que tu as. Il te préserve. Lui, il te donne du risque. Il te donne ses bienfaits. Et toi, tu vas lui, tu lui fais face avec des désobéissances. Et malgré cela, il te pardonne. Alhamdoulilah. Donc, tu dois être reconnaissant envers lui. Que veut dire reconnaissant? Tu reconnais ce bienfait qui est le pardon des péchés. Et tu évites de faire les péchés. Et tu fais ce qu'il faut pour faire les bonnes actions et éviter les péchés, et ainsi de suite. Maintenant, si on prend ces noms-là, ces noms d'Allah Azza wa Jal liés au pardon, si on les met bout à bout avec les autres noms d'Allah Azza wa Jal et les autres attributs d'Allah Azza wa Jal, on voit que bel et bien, réellement et effectivement, Allah Azza wa Jal a les attributs de perfection et a les plus beaux noms, les attributs de perfection à la perfection. Il a tous les attributs de perfection. Et il les a à la perfection. Tu vois, Allah Azza wa Jal, c'est le Créateur. C'est lui qui sait tout. Il voit tout. C'est lui le pourvoyeur. Il te donne tout. C'est lui qui te préserve. Il préserve tout le monde. C'est lui qui guide. C'est lui qui décrète les jugements. Et c'est lui qui pardonne. C'est lui qui est miséricordieux. Donc, il a tout. Il fait tout. Toutes les choses dignes de lui, subhanahu wa azzawajal. Il n'y a pas une défaillance. Vous voyez, nous, encore une fois, on compare un peu avec nous, êtres humains, pour avoir un petit ordre de comparaison. Vous pouvez voir une personne qui est savante. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de savants, surtout de notre époque, des savants universels, qui est savant dans toutes les sciences? C'est impossible. À notre époque, les gens sont des savants spécialisés, poussés dans une branche d'un domaine. Uniquement. Mais si tu lui parles d'un autre domaine, si c'est un physicien, tu lui parles de l'économie, il dit « Ah, écoute ». Si c'est un physicien, tu lui parles de nutrition, il va dire « Attention ». Un physicien, tu lui parles de mécanique, et on ne va pas dire que c'est un défaut en lui. On va dire non, lui, sa spécialité, c'est ça. Allah Azza wa Jal est bien au-dessus et au-delà de ça, des êtres humains. Allah est supérieur. Allah, c'est le Seigneur. Il a tous les attributs de perfection. Et dans tous ses attributs, il a la perfection de chacun. Et là, tu vois, tu comprends ce que veut dire Allah, celui qui a les attributs qui font qu'il mérite à juste droit d'être adoré, d'être un Seigneur. Tu dis, Alhamdoulilah, que j'adore ce Seigneur, ce parfait, celui qui a les attributs de perfection à la perfection. Donc, tu es content, tu es raffermi dans ta foi. Certes, je lui obéis, je me soumets à lui, mais regarde qui est-il. Il mérite très largement, très grandement d'être adoré. Et il ne te demande pas de t'humilier au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, avec cela, avec ces noms, mis côte à côte avec les autres noms, on se rappelle et on pense à la grandeur d'Allah, à sa majesté, à sa grandeur, à sa beauté, à sa perfection, et que tout ce qu'on a besoin est auprès d'Allah. Quelle que soit la chose, la guider auprès d'Allah, le risque auprès d'Allah, être préservé auprès d'Allah, répondre à tes invocations auprès d'Allah, pardonner tes péchés auprès d'Allah, tout, tout, tout auprès d'Allah. Donc, grandis dans ton cœur le respect et l'estime que tu as de ton Seigneur. Et grandis avec cela tous les autres ressentis positifs. L'espoir, la crainte, l'amour, l'attachement, la confiance, et ainsi de suite. Qu'Allah Azza wa Jal réalise cela en nous, et qu'il fasse que l'apprentissage de ces noms et ce qui en découle soit utile et profitable pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. فنسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بهذه العلوم والمعارف وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل الصالح ونسأله سبحانه عز وجل أن يحقق فينا معرفته المعرفة التي تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأن يتغمدنا برحمته وإنعامه هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم